il est en train de se créer des foultitudes de monnaies qui sont évidemment dans le même espace planétaire, elles sont sur la Terre, c'est les mêmes hommes et femmes qui y sont confrontés. Donc pour moi, ce sont des systèmes de représentation, ces monnaies, des systèmes d'interaction collective, temps réel, qui sont forcément tous couplés les uns aux autres. On peut avoir en même temps telle monnaie et telle autre, et évidemment on est confronté d'un côté à tel type de règles du jeu, de l'autre à tel autre type de règles du jeu. Donc on établit forcément une comparaison, on va choisir plutôt ça plutôt que l'autre, etc. Et pour moi, les ou la monnaie qui va émerger de tout ça sera la monnaie la plus légitime au sens de la perspective numérique. Suivant, et en fait, cette émergence de la monnaie légitime, ou des monnaies légitimes, du complexe monétaire légitime, va se faire, à mon sens, suivant les lois de l'évolution, hein, c'est-à-dire que la sélection, les lois de la sélection naturelle, même si il ne s'agit pas de sélectionner des gènes ou des espèces animales, des mutations, etc., mais des quasi, oui, on sélectionne des quasi-êtres vivants qui sont des dispositifs d'interaction collective dans lesquels on est partie prenante. Hein, ces dispositifs tirent leur vie de notre propre existence. Et nous sommes à la fois les sélectionneurs et les sélectionnés dans cette histoire. Alors, justement, attention de ne pas être trop dans les sélectionnés et plutôt dans les sélectionneurs. Enfin, évitons la casse au passage, quoi, au maximum.